Il n'y a pas aucun doute qu'au milieu du marché du livre et de l'édition, Francfort est le centre de la mondialisation des rapports sociaux qui tissent ces marchés particuliers de la production culturelle. Et on pourrait parler aussi beaucoup d'une façon substantive de qu'est-ce que c'est la foire de Francfort pour partager avec vous une variante de comment se passe un processus de mondialisation spécifique dans un terrain particulier de la production des biens symboliques. Mais comme je disais, je ne vais pas mettre l'accent beaucoup dans une description, une caractérisation de qu'est-ce que c'est ce phénomène, sinon plutôt de les caractériser à partir d'une expérience de recherche particulière. Je pense que ce colloque m'a donné l'occasion de réfléchir beaucoup plus profondément à pourquoi j'étudiais ces sujets. Sans doute, l'approche au problème de la réflexivité de ma part est liée à des propositions de Pierre Bourdieu sur ces sujets. Et donc, tout de début, il faut se demander quel était mon intérêt, quel était l'intérêt du chercheur pour étudier un tel sujet de recherche, comment il arrive à l'étudier, et quels étaient les défis en tant que tous les choix et les stratégies méthodologiques qu'on peut développer pour l'étudier ne sont pas jamais des actes de génialité, sinon des défis, des contraintes, des conditionnements qui se posent face à un sujet de recherche pas forcément prévisible dans sa trajectoire de recherche. En disant ce préambule, je dois dire que je commençais à penser les sujets des foires internationales des livres à partir de l'année 1991, quand je me suis installé au Brésil, à Rio de Janeiro, au Musée national, pour poursuivre mes études de master et doctorat. Et je venais d'une formation en anthropologie. Et j'avais eu quelques expériences de recherche dans les milieux ruraux à La Plata, en Argentine. Donc, quand je suis arrivé au Rio, je me suis rapproché en cours du master qui sur Société paysanne, donné par Moacir Palmeira et Afranio Garcia, et que pour moi c'était un cours extraordinaire. Donc je m'avais rapproché au monsieur Afranio Garcia, qui est maître de conférences à l'école de haute étude en sciences sociales. Et, en lui disant, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, mon sujet de recherche peut être et les sociétés paysannes, mais ce que j'ai venu à apprendre ici, c'est faire l'ethnographie. Je vais avoir beaucoup d'expérience en faisant travail de terrain. Afranio, à ce moment, m'a dit, bon, si tu dois mettre en pratique les cœurs de notre métier, je vous propose de faire un exercice sur un sujet de recherche qui m'attire beaucoup l'attention depuis longtemps, que c'est les foires internationales du livre de Rio de Janeiro. Pardon. Comment s'expliquer ça? Afranio avait déjà travaillé sur l'histoire des intellectuels au Brésil, les rapports entre les intellectuels et la culture nationale, mais en même temps, il participait depuis l'année 80, plus ou moins, au séminaire du Centre de sociologie européenne autour de Pierre Bourdieu. Et maintenant, je peux réfléchir au fait qu'en 1989, Bourdieu venait d'écrire le fameux texte sur la circulation internationale des idées, et peut-être au milieu du Centre de sociologie, commencer à se dynamiser tous les débats sur tels sujets comme l'édition, la traduction, la réception des théories, des idées, des auteurs, les facteurs déterminants de la circulation internationale des idées. J'ai fait le travail de terrain au Rio et à la foire du livre au Rio de Janeiro, Et un travail très bien fait, je m'avais formé beaucoup en archéologie, les protocoles des terrains de l'archéologie, c'est très rigoureux. Donc ma première expérience ethnographique était bien succédée. Et puis Afranio m'a posé la question, bon, tu continues à étudier société paysanne ou tu continues avec des foires? Bon, les sujets des foires, c'était un sujet plus ou moins familier. J'ai passé toute ma enfance, adolescence, en visitant la foire du livre de Buenos Aires toutes les années. Mais en même temps, c'était un défi énorme pour ce moment, étant donné que dans la bibliographie, on ne pouvait pas trouver aucun texte fait par un sociologue, un anthropologue, au sujet des foires des livres. Et pas aussi au sujet du monde de l'édition et du livre. Monde de l'édition, monde. Du livre, on avait déjà la traduction d'une anthropologie de la culture écrite de Jacques Goody, qui a resté avec une position assez marginale à l'anthropologie de Cambridge, dans les scénarios internationaux, mais pas grand-chose. On pouvait s'appuyer seulement sur les travaux que des historiens de la culture commençaient à imposer dans les scénarios internationaux sur l'histoire du livre et de l'édition. Nous avons ici Jacques Mollier, aussi les travaux de Robert Darnton et Roger Chartier, sans doute, mais pas beaucoup que ça. On avait la sociologie de la culture de Pierre Bourdieu, qui avait commencé à mentionner la question de l'édition en 1967 avec Champ intellectuel et projet créateur. Puis quelques chapitres comme la production de la croyance, etc., etc. Mais les sujets n'étaient pas fixés dans les programmes de la sociologie progressienne. Même si, sans le savoir, il y avait une ambiance internationale pour favoriser la pensée sur ces domaines de recherche. En tout cas, j'ai pris le défi de continuer à étudier les foires du livre en lisant les historiens du livre de l'édition. À l'année suivante de la foire de Rio, c'était la foire de São Paulo. Ils se sont un an dans chaque ville, ce sont des biennales. Et j'ai réussi à faire aussi un travail de terrain à São Paulo et je me déparais à cette occasion avec la présentation du projet Francfort. Parce que le Brésil venait d'être élu pour 1994 pays invité d'honneur à la foire de Francfort. Donc c'est en 1992, il présentait face aux Allemands qui allaient voyager à São Paulo tous les programmes de comment exposer les pays dans ces centres d'irradiation mondiale du marché international du livre. À ce moment-là, c'est que je me suis aperçu très rapidement comme bon apprenti de l'interprétation approfondie de Clifford Geertz, c'était la redondance du mot Francfort parmi tous les éditeurs brésiliens. À ce moment, ils commençaient à parler par la première fois, dans la plupart d'entre eux, de Francfort, il faut aller à Francfort, tout se passe à Francfort, la profession continue à faire à Francfort. Donc, en suivant ces pistes, ce n'était pas facile de conclure ma mémoire de master par un chapitre qui s'appelle « Les livres du Brésil entre Rio de Janeiro et Francfort ». Pas plus entre Rio de Janeiro et São Paulo, parce qu'effectivement, le monde du livre du Brésil éclatait la frontière nationale, même si c'est un marché fortement national, le marché du livre brésilien. Éclater la frontière par la force d'imposition à ce moment-là d'un espace international qui commençait à gagner puissance pour organiser, régler et coordonner les pratiques des agents nationaux de l'édition brésilienne. Tout de suite, je continuais à décrire, à enregistrer jusqu'à la limite du possible l'usine de production de cet événement en faisant des interviews, des entretiens avec tous les organisateurs du ministère de la Culture, de Chambre brésilienne du livre, des écrivains qui participaient, des intellectuels, des politiciens qui formaient partie du projet Francfort. En même temps, je me suis aperçu rapidement du besoin de comprendre que c'était cette foire. Mais malheureusement, à cette époque, j'étais un étudiant du master doctorat, j'étais tranché, très jeune, je n'avais pas obtenu des conditions d'aller faire les terrains à Francfort. Mais sans doute, c'était un sujet qui s'est complété à l'extérieur. Donc, les cadres nationaux ne pouvaient pas être retenus comme le cadre pour comprendre l'évolution d'un marché national du livre spécifique. Parce qu'effectivement, les conditions d'interdépendance nationale avaient cru énormément à partir du moment que l'affaire de Francfort commençait à imposer des sujets focaux et plus des pays invités d'honneur pour légitimer sa place comme le moteur d'organisation d'un espace international du livre. Donc ce n'était pas un sujet prévisible quand j'ai commencé à étudier des foires internationales brésiliennes, moins encore avant d'arriver au Brésil. C'est-à-dire qu'à l'état du développement des sciences sociales humaines en Argentine et au Brésil, au moins, où l'histoire du livre n'existait pas du tout, et il n'y avait aucune condition effective d'imaginer un tel sujet de recherche. Il n'existait pas. Le monde de l'édition, le monde du livre. Il y avait quelques bouquins extraordinaires faits par des étrangers ou par des sachants natifs de ce propre monde sur qu'est-ce qu'il s'était le monde du livre. Mais effectivement, et je pense que ce sont des conditions collectives, sociales et historiques spécifiques pour montrer l'espace des possibles pour développer un tel projet de recherche sur un sujet qui va me donner la sensibilité et les buts de poursuivre un processus de mondialisation de la culture. En même temps, pour étudier en soi-même, en fait, la foire de Francfort, dont les centres, sa raison d'être n'est pas par soi-même la mondialisation. C'est beaucoup plus que ça. Donc, comment je me débrouillais puis pour poursuivre cette recherche. Bon, je faisais quelques exercices du Brésil pour enregistrer qu'est-ce qu'il s'est passé à Francfort quand le Brésil était les pays invités d'honneur. Et j'ai obtenu la possibilité d'aller à Francfort pour la première fois quand je suis venu à Paris pour la première fois pour faire ma bourse sandwich de doctorat. Donc j'ai profité pour aller à Francfort pour faire le terrain. Et j'ai réussi à avoir un entretien personnel avec Pierre Bourrier, qui s'intéressait beaucoup avec mon sujet de travail. Et rapidement, il m'a dit, si tu peux écrire dans 10 jours un texte sur Francfort, c'est un texte qui est apparu dans la revue Liber. À ce moment, quand je suis allé à Francfort, c'était le Portugal, les pays invités d'honneur qui m'a donné la possibilité de comparer la façon différentielle d'être dans un centre d'internationalisation de deux grands pays lusophones. Ça qui m'a donné la possibilité de faire une comparaison dans un travail qui va paraître dans un livre d'un colloque organisé ici à Versailles par Jean-Yves. Et puis, par diverses contraintes de la recherche, je ne continuais pas à approfondir l'étude de l'affaire du livre de Francfort, mais je l'ai repris en 2010, étant donné que l'Argentine était les pays invités d'honneur à l'époque. Donc, mon expertise comme chercheur, ma légitimité dans les champs scientifiques avait changé absolument. J'avais retourné dans mon pays. J'ai obtenu des moyens pour retourner à Francfort pour faire des terrains. Et à ce moment, effectivement, moi, j'étais absolument autre chercheur qu'au moment où j'étais le jeune étranger, doctorant, qui pouvait traverser les sujets jusqu'à un certain limite, mais en même temps, à une jeunesse qui donne aussi des possibilités de courage, même de sans penser, de faire des opérations de recherche quand nous sommes plus pressé par la profession, nous n'arrivons pas à les faire. Une question que j'ai continué à faire en profondeur, c'était un essai de compréhension des forces spécifiquement allemandes pour expliquer pourquoi Francfort, pourquoi l'Allemagne, pourquoi la langue allemande, qui ont été en Allemagne ceux qui ont favorisé un tel processus d'internationalisation du marché du livre avec des certaines caractéristiques qui sont des caractéristiques très liées aux trajectoires personnelles de ceux qui ont géré des diverses institutions allemandes, de la Börsenverein du Deutschland Buchhandels, ou l'Ausstellungsmesse, qui c'est l'organisation spécifique pour organiser la Foire du Livre de Francfort. Donc, il y avait un sujet spécifique qui m'attirait beaucoup l'attention, qui c'était Peter Weidas, qui lui avait dirigé la Foire du Livre de Francfort entre 1973 et 2003, 30 ans en dirigeant la Foire du Livre de Francfort. Il donnait à cet événement tellement global, de telles caractéristiques tellement personnelles qu'il fallut lui interviewer. Occasion que j'ai eue, une fois que j'étais invité en colloque à Bielefeld, j'ai profité pour aller à Mainz, je lui ai interviewé en profondeur, avant qu'il écrive ses mémoires et qu'il écrive ses propres versions sur l'histoire du livre de Francfort. Et par exemple, j'ai découvert à ce moment les raisons pour lesquels il était un agent décisif de la médiation du monde du livre latino-américain en Allemagne, en Europe, au monde entier. Il y avait diverses particularités de sa trajectoire que je ne pourrais pas. Je n'ai pas le temps pour les développer ici extensivement, mais dans quelques traits. Il est né dans une famille très liée au nazisme en Allemagne en 1940. C'est que quand son père, ingénieur de Siemens, qui a participé au Parti national socialiste, son grand-père, il était officier du parti nazi, etc. Son trajectoire est une trajectoire typique des jeunes allemands de la décennie des années 50 qui s'enfuient de la famille, il rompt complètement avec son histoire. Une fois qu'il passe à connaître qu'est-ce qu'il s'avait passé, il vient l'honte propre, l'honte familiale, l'honte collective, et commence à en tournée européenne pour trouver un lieu dans le monde. Dans sa trajectoire, il entre en contact par une fiancée danoise. Dans les métiers du livre. Bon, elle s'engage à travailler dans l'organisation de la Foire du Livre de Francfort pour organiser des foires des livres allemands à l'étranger. Et dans les premiers voyages qu'il fait en 68, il connaît sa deuxième femme, qui c'était une Argentine de Cordoba, la ville d'où je viens. Et pour plusieurs raisons de sa trajectoire, il a vécu l'expérience de politisation de la vie culturelle latino-américaine à cette époque, avec une fascination extraordinaire pour, effectivement, s'engager dans la révolution, dans les changements dans le monde complètement injuste ou en crise en Europe. Bon, il y a tout un processus très particulier de façon pour lequel il veut devenir latino-américaine. Bon, il y a toute une partie de mon travail qui se dédie beaucoup donc à expliquer l'historicité particulière à partir duquel les acteurs des divers champs éditoriaux latino-américains commencent à arriver à Francfort à partir des années 60, spécialement pour les cas brésiliens et les cas argentins. Quels sont les effets des actions que Peter Weidas mène pour les encourager, pour être présents au milieu international, et puis les effets des invitations des pays comme sujet d'honneur à l'honneur dans chaque foire. Et plusieurs visées pour comprendre quels sont les effets et les conditionnements que Francfort pose pour la structuration des habitus des marchands de montres du livre en provenance des pays périphériques, mais des habitus, c'est-à-dire d'une manière absolument différentielle. Comment Francfort s'enracine dans la pensée, dans l'esprit, dans la perception de quelques sachants en provenance de ce type de pays. Donc, un processus clair que je décris pour des éditeurs brésiliens argentins, c'est comment ils commencent à réinventer la catégorie éditeur en imposant une croyance sur les besoins de professionnalisation d'une catégorie qui n'existait presque rien publiquement. C'est un métier qui n'a pas besoin de titres spécifiques pour les faire, mais qu'à cette époque, lié très fortement au moment de la mondialisation, très fortement la question de la professionnalisation et l'internationalisation. C'est professionnaliser et s'internationaliser, c'est-à-dire imposer une éthique du travail qui oblige à aller à Francfort. Pas aller à Francfort, sinon participer dans un circuit de foires internationales et stratégique et efficace pour le type de rapport de liaisons internationales les plus efficaces pour chaque cas. Il y aurait beaucoup d'aspects que j'aimerais discuter avec vous sur les particularités de Francfort comme lieu de mondialisation du monde du livre, mais en tout cas, comme je disais, seulement il y a, on peut dire, 200 ou 300, je commence à voir des collègues français, suisses, québécois et même de l'Islande qui commencent à vouloir étudier aussi la foire de Francfort. Maintenant, on peut dire que nous sommes 5 ou 6 que nous sommes intéressés à ce sujet d'un point de vue sociologique. Et en même temps, il serait très, très intéressant de dire comment tout type de diversification des sujets autour du livre de l'édition, qui ont pu être pensés, ont connaître un élargissement brutal à partir même de l'internationalisation du champ de spécialisation. Et dans ce moment, j'ai eu le privilège, je vais le dire face à lui, d'avoir participé dans un des colloques des historiens du livre de l'édition organisé par Jean-Yves Martin Lyons à Sydney, qui voulait effectivement élargir à l'échelle planétaire ces questions de quels sont les modèles des histoires du livre dans chaque pays, et que ça donnait une synergie extraordinaire pour nous légitimer jusqu'au moment que nous arrivons. Les mois prochains, fin octobre, on va organiser en Argentine les premières colloques d'études sur le livre et l'édition. Donc, évidemment, on a invité Jean-Yves. Mais pour dire, effectivement, quelles ont été un peu les conditions pour investir dans un sujet des recherches pendant 20 ans jusqu'à arriver finalement au moment où je peux avoir des collègues avec lesquels partager un colloque.